Seigneur qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, qui pourra vivre près de ta présence quand ta lumière sonde tout ce qui est feinte. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice sans détour, qui dit la vérité au fond de son cœur et garde un langage pur chaque jour. Il ne calomnie pas sa langue, il ne fait point de mal à son prochain, il n'outrage pas son compagnon, il ne répand pas de venin, le méchant est méprisé à ses yeux, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. À son détriment, il ne change pas, son cœur reste fidèle. Il ne prête pas son argent à intérêt. Il ne prête pas son argent à intérêt. Il ne reçoit pas de présent contre l'innocent. Il protège la cause du faible et se tient droit dans le jugement. Celui qui agit ainsi ne chancelle jamais devant Dieu. Il demeurera pour toujours dans la présence du Très-Haut Glorieux. Le gars.